En Corée, divers secteurs de l'économie nationale enregistrent les innovations. Les chercheurs de l'université Kim Il-sung et les techniciens du complexe chimique de la jeunesse de Namhung ont mis au point par nos propres techniques le catalyseur de polymérisation de la quatrième génération et aménagé ses processus de production afin d'établir le système de production des fibres PP destiné à l'amélioration de la vie du peuple. Les centrales de Supung, de Sodosu, de Chongchonggang et la centrale thermoélectrique de Suncheon dépassent le plan de production, alors que la direction des chemins de fer de Pyongyang assure suffisamment les besoins des centrales et usines métallurgiques et chimiques, tout en dépassant le plan à 104%. Les fermes du pays aussi ont produit jusqu'à présent plus de 3,4 millions de tonnes de fumier pour en transporter dans les rizières et champs et redynamisent à la dernière étape les préparatifs de la culture de la nouvelle année.